Bonjour et bienvenue dans ce journal dont voici d'abord la charpente. Deux jours après la clôture de la quatrième session de dialogue à Arusha, certains participants se réjouissent du pas franchi. L'acteur politique et ancien Sibomana indique que le gouvernement a affiché la volonté de réconciliation, mais s'insurge contre son projet d'amender la constitution. Quant à Kefani Widi, cette session a été un pas franchi malgré les points de divergence. À l'occasion de la Journée internationale des droits de l'homme célébrée le 10 décembre de chaque année, le ministre burundais des droits de l'homme dit que le Burundi n'est pas un paradis. Et à Lumonge, certains parmi les représentants des partis politiques vont en province. Lumonge reconnaissent la diabolisation entre les partis politiques, surtout en période électorale, à la recherche des membres et sympathisants. Les détails, c'est dans ce journal, mis en onde par Jean de Dieu Ndaïsenga et Edine Benibigira. Je serai à la présentation. Bienvenue. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. Rebonjour. Le fait que le gouvernement burundais avait envoyé sa délégation dans le dialogue inter-burundais d'Arusha, cela témoigne la volonté du gouvernement dans le rétablissement de la paix et la réconciliation, indique l'ancien Sibomana, un des opposants du parti au pouvoir. Ce politicien s'inscrit cependant en faux contre le programme du gouvernement de vouloir amender à tout prix la constitution, alors que ce point de discorde devrait être à l'agenda de la prochaine et cinquième session d'Arusha. On l'écoute. Nous déplorons cette façon de faire pour deux raisons. D'abord, comme je l'ai dit, que ce soit le gouvernement, que ce soit le parti CNDD-FDD et leurs alliés, ils ont tous signé et affirmé que l'accord d'Arusha et la constitution qui en est issue constituent le fondement de la paix, de la sécurité et de la réconciliation. Alors, nous avons démontré que la révision de la constitution telle que le veut le parti au pouvoir et le gouvernement en place n'est ni plus ni moins qu'une remise en cause de certaines dispositions phares de l'accord d'Arusha. Alors, vous ne pouvez pas vouloir une chose et son contraire. Ça, c'est le premier aspect. Deuxième aspect qui nous pousse à ne pas être d'accord avec cette façon de faire, c'est que nous nous sommes déjà remis aux arbitres internationaux. J'entends par là la médiation de la communauté de l'Afrique de l'Est. La raison qui nous a poussé à nous remettre devant les arbitres internationaux, c'est qu'il y a une crise dont les partis en conflit ne s'entendent pas sur sa genèse et sur sa façon de la résoudre. Nous attendons donc une contribution de cette médiation sous-régionale qui est à l'œuvre. Donc, si nous attendons une voie de sortie de crise concertée via ce dialogue inter-burundais d'Arusha sous la houlette de la médiation sous-régionale, il me semble politiquement inadéquat et contradictoire que d'engager cette vitesse contre la montre pour réviser la Constitution dans la conjoncture actuelle. Je pense donc, comme nous l'avons fait remarquer à la médiation, ce dialogue serait vidé de toute substance si jamais le processus de révision de la Constitution aboutissait avant que le processus ne soit conclu. Je pense que les chefs d'État de la communauté de l'Afrique de l'Est, qui ont promis à l'Union africaine et aux Nations unies qu'ils vont se mettre aux côtés des Burundais pour sortir le Burundi de la crise dans laquelle il est depuis plus de 2 ans, je pense qu'ils ont une grande responsabilité pour entrer en contact avec le pouvoir de Bujumbura pour voir la suite à réserver à cette question épineuse. Ancien Sibomana, le dialogue inter-burundais qui s'est tenu durant les 2 dernières semaines à Arusha en Tanzanie a abouti sur un pas très avancé dans la résolution du conflit entre les politiciens burundais, malgré quelques points de divergence. C'est du moins le point de vue de Kefani Widi, président du parti Frodebu Nyakuri, qui a pris part à ce dialogue. Suivez-le, il a été joint au téléphone par Evariste Nzikobanya. Au niveau du parti Frodebu-Nyakuri, nous espérions que la quatrième session du dialogue inter-burundais était la dernière. Donc on espérait qu'on allait quitter là-bas après avoir signé une feuille de route pour l'élection de 2020. Néanmoins, cela n'a pas été le cas parce que le facilitateur avait demandé à toute la classe politique de s'asseoir ensemble pour trouver des solutions aux questions qui avaient été posées. Mais un groupe de politiciens a refusé de s'asseoir ensemble avec les autres, ce qui a rendu difficile les conclusions de ce dialogue. Et cependant, c'était une avancée parce que nous avons pu avoir un résumé sorti par le facilitateur contenant les points de divergence et les points de convergence. Et là, je signalerai en passant que sur les 11 points de convergence qui avaient été évoqués, nous avons constaté que seulement deux questions et restaient toujours sans consensus. Donc, nous pensons que la fois prochaine, on pourrait aboutir à la signature d'une feuille de route pour les élections de 2020. Et si ce n'est pas top secret, quels sont ces deux points de divergence? La première question concerne la levée des mandats qui ont été livrés pour certains politiciens qui sont accusés par le pouvoir d'avoir participé dans le coup d'État manqué du 13 mai 2015. À ce sujet, le gouvernement a rappelé qu'il ne peut jamais accepter de consacrer l'impunité et qui ne peut pas donc lever ses mandats. Une autre question concernait la probable négociation ou le probable dialogue entre le gouvernement et les groupes armés. Là aussi, le gouvernement a opposé qu'il ne connaît pas ces groupes armés, qu'il ne peut pas donc dialoguer avec les gens qu'il ne connaît pas. Quels ont été les points des uns des autres sur la probable révision de la Constitution? Ce que nous avons constaté dans les documents produits par tous les groupes, tout le monde est d'accord qu'on peut réviser la Constitution et probablement que les divergences se situeraient sur la procédure d'amendement de la Constitution. Là, je signalerai que la Constitution prévoit elle-même comment elle peut être amendée. Donc, pour nous, étant donné que tout le monde est d'accord qu'on peut réviser la Constitution, je pense que là, on peut citer qu'il s'agit d'un point de consensus. Kefani Widi, le président du parti Frodebu Nyakuri, page droit de l'homme à présent. Le ministre burundais des droits humains affirme que le Burundi n'est pas un paradis en matière du respect des droits humains, mais il n'y a pas de maison qui brûle. Au moment où le monde célèbre le 10 décembre de chaque année la Journée internationale des droits de l'homme, Martin Ndiabandi fait savoir que les assassinats et les violences basées sur le genre font partie des violations des droits de l'homme observées. Je vous propose de le suivre. C'était dans l'émission Mosaïque de la radio Isanganiro. Quelle est la situation des droits de l'homme dans notre pays? Les gens ont toujours tendance à croire que le Burundais, quand il parle des droits de l'homme, que c'est une notion importée. Mais la réalité était que le Burundais original, c'est quelqu'un qui respecte les droits de l'homme. C'est ancré dans notre culture. Déjà, au niveau de l'éducation, il était clair que le respect des droits humains était une réalité. Donc, pas de notre éducation, au niveau des proverbes, au niveau des contes. Même tuer un lézard était un crime. C'est une notion qui est ancrée dans notre culture. Ce n'est pas une obligation de la part de la communauté internationale, comme certains pourraient le dire. Non, c'est une question qui a été décidée par le peuple burundais à travers le référendum sur la Constitution. La Constitution qui gère notre pays déjà consacre toute une grande partie sur le respect des droits humains. C'est le peuple burundais qui s'est engagé à respecter. Ce n'est pas les autorités, ce n'est pas une organisation de la société civile, ce n'est pas une organisation onusienne qui viendra nous dicter ce que nous devons faire en termes de respect des droits de l'homme. La situation des droits de l'homme était qui se présente, comme vous avez demandé, quel est le tableau. Nous disons que le Burundi maintenant, nous sommes au niveau des standards internationaux. Il est vrai que le monde maintenant connaît des problèmes. Ici, nous pouvons citer le terrorisme et maintenant qui se fait parler de par le monde. Il y a des problèmes qui sont liés à la pauvreté, avec les différentes crises financières que le monde a connues. Et le Burundi n'évolue pas en vase clos. Nous évoluons dans un monde qui est globalisé. Et les conséquences néfastes sont là. Ici et là où on peut trouver des cas de violation des droits de l'homme, c'est tout à fait normal. Nous disons, nous avons toujours dit et nous le réaffirmons que le Burundi n'est pas un paradis. Autant d'autres pays sur cette planète ne sont pas un paradis. Mais les pays les plus sûrs, ces cas de violation des droits de l'homme sont toujours signalés. Ce qui est très important, c'est que la communauté soit engagée et que la majorité de la population, la majorité des acteurs, soit engagé à promouvoir et à protéger les droits humains. C'est ce qui est très important. Et quand de tels cas existent, il y a des tueries qui ont plusieurs mobiles, des mobiles d'ordre financier, des mobiles d'ordre familial. Plusieurs mobiles peuvent être à l'origine de violations des droits de l'homme. C'était le ministre burundais des droits de l'homme. L'inspecteur provincial de l'enseignement fondamental et post-fondamental de Lumonge est dans les mains du service national de renseignement à Bujumbura depuis ce vendredi. Il a été arrêté à Lumonge puis transféré immédiatement à Bujumbura. Le chargé des renseignements Rumonge confirme cette arrestation sans préciser le motif, évoquant seulement des enquêtes. Il venait d'être remplacé dans son poste par le décret présidentiel du 29 novembre 2017 et il ne restait que la remise et reprise. Deux volontaires par quartier ont été formés au cours de la campagne de 16 jours contre les violences basées sur le genre. Cela a été dit par Désiré Bondoyi, secrétaire provincial de la Croix-Rouge en mairie de Bujumbura. Selon toujours Bondoyi, des psychologues outillés ont été affectés en 3 centres afin d'accompagner les victimes des violences faites aux femmes. Écoutez Bondoyi. La bande de Bujumbura mérite la journée interne des volontaires qui est célébrée le 5 de chaque mois de décembre. Il y a aussi la clôture de la caravane culturelle et sportive qui a été organisée pendant 4 mois. Il y a aussi la clôture des 16 jours d'activisme contre les violences faites aux femmes. Voilà les 3 grands événements qui ont été célébrés. Mais tout converge vers un seul aspect, c'est l'aspect volontariat. Volontariat dans les 3 aspects. Et tout se recoupe à travers le thème de la journée interne de la Croix-Rouge qui est le volontaire premier à agir ici et partout. Les violences faites aux femmes s'observent dans notre pays. Quelle est la contribution de la Croix-Rouge pour pallier définitivement ce fléau? La Croix-Rouge en a fait un grand objectif au niveau national. Mais au niveau de Bujumbura, mais évidemment, doit emboîter le pas. C'est que à travers toutes les unités de quartier, il y a 2 volontaires qui sont formés en termes de sensibilisation et qui font le porte-à-porte. Ils ont toutes les connaissances voulues, ils ont le matériel qu'il faut pour la sensibilisation. Mais au niveau de la prise en charge, au niveau aussi du référencement, il y a 3 centres de santé là où on a affecté des psychologues qui sont outillés en termes d'accompagnement, mais aussi de référencement. Et puis, en dehors de ça, il y a le centre propre à la Croix-Rouge, le centre médical de Tinindo, qui est à pied d'œuvre pour la prise en charge des cas de survivants des EVSPG. Isanganiro, la radio de l'avenir. À 13h10 au studio de la radio Isanganiro, on poursuit ce journal avec la page économie. Une superficie de 125 hectares s'étendant sur les communes Bukinanya, Namugwe et Buganda est nécessaire pour la construction des centrales hydroélectriques, y compris Kabou 16, dans un conseil des ministres de ce vendredi. Le conseil a précisé que le Burundi connaît un déficit énergétique très important. La demande actuelle est de 90 MW alors que l'offre totale est aujourd'hui de 60 MW. Suivez Philippe Nzobonariba, porte-parole et secrétaire général du gouvernement. Les membres du conseil ont analysé le projet de décret portant déclaration d'utilité publique de la zone du projet d'aménagement de la centrale hydroélectrique Kabou 16 de 20 MW. Dossier présenté par le ministre en charge de l'eau, de l'environnement et de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme. Le Burundi connaît un déficit énergétique très important et la demande actuelle s'élève à plus de 90 MW alors que l'offre totale est d'environ 60,82 MW, toutes sources confondues. Et c'est pour faire face à ce déficit que le gouvernement a entrepris un vaste programme de construction des centrales hydroélectriques, y compris le projet d'aménagement de la centrale de Kabou 16 située en province Cibitoke dans les communes Bukinanyana, Murgui et Buganda sur la rivière Kaburanwa à 16 km de son embouchure avec la rivière Rusizi et qui aura une capacité de 20 MW. La réalisation de ce projet sera possible suite à la disponibilité d'une superficie de 125,35 hectares qui s'étend sur les 3 communes ci-citées. Et c'est l'objet de ce projet qui vient déclarer le site comme étant d'utilité publique. Le projet a été également adopté. Enfin, le ministre de l'Intérieur et de la Formation patriotique a informé le Conseil que très prochainement, il va être procédé au lancement officiel de la campagne sur le référendum constitutionnel et dont les ministres seront appelés à relayer le message dans leur province d'encadrement. Le porte-parole du gouvernement burundais fait aussi savoir que dans l'exploitation des mines de Chimba en province de Cibitoke, le pays participera avec un capital de 15%. Suivez encore une fois Philippe Nzobonariba. Les membres du conseil ont analysé le projet de décret portant autorisation à l'État du Burundi à participer au capital social de la société mixte Tanganyika Mining Burundi chargée d'exploitation de l'or et minerais associés du gisement de Tchimba, dossier présenté par le même ministre en charge de la bonne gouvernance et du plan, par le décret numéro 12, par le décret du 12 octobre 2017, en permis d'exploitation de l'or et minerais associés accordé à la société Tanganyika Gold SA sur le gisement de Tchimba en commune Mabayi, province Cibitoke. Et dans le cadre de l'exploitation des substances minérales, le code minier du Burundi prévoit la création d'une société mixte d'exploitation minière à laquelle l'État est actionnaire de droit à hauteur d'au moins 10% en raison de sa qualité de propriétaire du sous-sol. Cette société mixte a été créée en le 27 octobre 2017 et porte le nom de Tanganyika Mining Burundi. Et le présent projet vient compléter le cadre juridique nécessaire à l'existence de cette société en demandant au Conseil des ministres d'autoriser l'État burundais à participer au capital de cette société, telle que le prévoit la loi. La participation de l'État du Burundi sera de 15% du capital et le projet a été adopté. Philippe Nzobonadiba, il est le porte-parole du gouvernement burundais. Les nouvelles des provinces à présent. Certains parmi les représentants des partis politiques œuvrant en province Lumonge reconnaissent la diabolisation entre partis politiques, surtout en période électorale, à la recherche des membres et sympathisants. Ils prônent de privilégier dans l'avenir des projets de société afin d'éviter des heurts inutiles. À Lumonge, Jean-Pierre Misako. Juma Eric Karfaninzigimana, représentant provincial du Ranac à Rumonge, et Samuel Manirakiza, représentant communal du CNDD à Rumonge, convergent sur la diabolisation entre partis politiques observée souvent en campagne électorale. Ils indiquent que des responsables politiques en quête de gagner l'électorat profitent de ce moment crucial. Cependant, leur constat a été que cette diabolisation est à l'origine des heures entre membres et sympathisants des différents partis politiques avant, pendant et après les élections. Pour eux, et cela pour 2020, que des responsables des partis politiques pensent déjà à rompre avec la diabolisation et à mettre en compétition leurs projets de société. Cela aidera à éviter les affrontements qu'ils jugent inutiles et insensés dans un pays démocratique. Pour Juvenal Bigirimana, gouverneur de Rumonge, tous les 3 mois, une réunion avec les partis politiques œuvrant dans cette entité administrative est organisée pour parler notamment de la cohabitation entre ces partis politiques. Pour le gouverneur de Rumonge, cette cohabitation est très bonne. C'est au moment où le Ranac dit que ces réunions sont souvent perturbées par les responsables culinaires, zonaux ou communautaires. Jean-Pierre Misako depuis Rumonge, Radio Isanganiro. Quittons Rumonge pour aller à Karusi. Certains habitants de la province Karusi, et en particulier les vulnérables, s'indignent de l'accès difficile à la justice. Certains d'entre eux déplorent l'essence des organisations, ceux qui passent aider en la matière dans cette province. Le secrétaire permanent du ministère de la Justice reconnaît que la province judiciaire Tokar aussi a besoin d'être aidé pour arriver à une justice de proximité. Arkade Harelimana l'a dit ce vendredi au chef-lieu de la province Karusi lors du lancement du projet Menyutunga Nigwe. À Karusi, Blaise Pascal Kararumi. Certains de la population de la province Karusi, et plus particulièrement les vulnérables, s'indignent de l'accès difficile à la justice pour qu'ils soient réhabilités dans leurs droits. Et certains d'entre eux demandent d'être assistés et déplorent l'absence de certaines organisations qui pouvaient aider en la matière. C'est notamment une femme qui préfère garder l'anonymat de la commune Gitaramuka qui dit avoir saisi toutes les instances judiciaires même de l'administration de Karusi pour la réhabilitation de 2 enfants qu'elle a eu avec un mari et qu'elle ne veut plus avec l'autre, mais dit que cela n'a pas réussi. C'est également le cas de 2 filles de Gwimbogo de la commune Bugenyuzi qui ont été chassées de la famille où elles vivaient avec leur mère, chassées par leur oncle malgré la décision du tribunal. Le secrétaire permanent du ministère de la Justice affirme que la province judiciaire de Karusi est en arrière dans l'exécution de la politique nationale donnant accès facile à la justice, qui est le fondement de la politique sectorielle du ministère de la Justice, explique le responsable. Arkad Harelimana indique que c'est de là que le ministère de la Justice a signé en partenariat avec les particuliers les 2 barreaux d'avocats du Burundi, l'Association des femmes juristes et l'Association pour la paix et les droits de l'homme pour l'exécution du projet dit Menya Utunga Nirgwe. Tous ces acteurs ont lancé ce vendredi le début des activités de ce projet au chef-lieu de la province Karusi. Ils indiquent que ce projet sera exécuté dans trois provinces, à savoir Karusi, Bubanza et Bujumbura, jusqu'en 2021. Ils signalent que la population aura une valeur ajoutée par accès facile à la justice et une assistance aux personnes vulnérables sera faite. Depuis Karusi, Blaise Pascal Kararumiye pour Radio Isanganiro. Merci Blaise Pascal. Terminons par cette actualité en bref. 127 Burundais ont été refoulés par le gouvernement tanzanien. Ces expulsés ont débarqué sur le sol burundais le soir de ce samedi vers 19h, comme l'indique la police burundaise. Pierre Nkurikiye, porte-parole de la police, fait savoir que ces personnes venaient de passer une année en prison accusées de ne pas détenir les documents de voyage. Ces refoulés se rassemblent pour le moment à Mugina, la frontière burundo-tanzanienne. Pierre Nkurikiye dit également que ces personnes sont ressortissantes des provinces Makamba, Rutana, Bururi, Kayanza, Karusi, Kirundo et Ruyigi. C'est par ici qu'on va mettre fin à ce journal. Je dis merci à Jean de Dieu Ndaisenga qui m'a assisté du côté technique. Et Lini Ben Nibigira, j'étais à la présentation. Au revoir.